Quatorzième chapitre. Comment les deux reines se querellèrent. Un jour avant la vesprée, les guerriers menaient grand bruit dans la cour du palais. Pour se divertir, ils se livraient à des jeux chevaleresques. Afin de les voir, hommes et femmes étaient accourus en foule. Elles étaient assises l'une près de l'autre, les deux puissantes reines, et elles pensaient aux héros si dignes d'admiration. La belle Kriemhild parla. « J'ai un époux à la main duquel toutes les terres de ce royaume devraient être soumises. » Dame Brunhild répondit. « Comment cela pourrait-il être? Si nul ne survivait que lui et toi, il est vrai ce pays pourrait en ce cas lui être soumis. Mais tant que vivra Gunther, il ne peut en être ainsi. » Kriemhild reprit alors. « Le vois-tu bien là-bas? Comme il s'avance majestueusement devant les autres guerriers, pareil à la lune brillante parmi les étoiles. Certes, j'ai bien sujet de porter haut mon orgueil. » Dame Brunhild dit à son tour, « Quelque gracieux, quelque loyal et quelque beau que soit ton mari, tu dois mettre avant lui Gunther, le héros, ton noble frère. Celui-là, tu ne peux l'ignorer, doit précéder tous les rois sans conteste. » Kriemhild prit la parole. « Mon époux est si digne d'affection que je ne l'ai point loué sans motif. En maintes choses, sa gloire est grande. Ne le crois-tu pas, Brunhild? Il est au moins l'égal de Gunther. Il ne faut point si mal me comprendre, Kriemhild, car je ne t'ai point tenu ce discours sans de bonnes raisons. Je le leur ai entendu dire à tous deux, le jour où je vis le roi pour la première fois, où sa volonté de m'avoir pour femme s'accomplit, et où il conquit mon amour d'une façon si chevaleresque. Ce jour-là, Siegfried avoua qu'il était l'homme liege de Gunther. C'est pourquoi je l'ai considéré comme mon vassal depuis que je le leur ai entendu dire. » La belle Kriemhild reprit. « En ce cas, mal m'en serait advenu. Comment mes nobles frères auraient-ils consenti à me voir ainsi la femme d'un vassal? Je t'en prie très amicalement, Brunhild, « cesse ces propos de bonne grâce et par affection pour moi. »« Certes, je ne le cesserai point, » répondit la femme du roi. « Comment abandonnerai-je le service personnel de tant de chevaliers qui nous sont soumis avec Siegfried par les liens du vassalage ?» Kriemhild, la très belle, commença de s'irriter fortement. « Tu dois pourtant y renoncer, car jamais il ne sera en ton service. Il est plus haut placé que Gunther, mon frère, le très noble homme. Tu cesseras de tenir ces discours que j'ai entendus de ta bouche. Et aussi, il me paraît étonnant s'il est ton homme liege et que tu aies sur nous deux une telle puissance qu'il t'ait si longtemps privé du tribut de ses services. J'en ai assez de ton outrecuidance et non sans motif. Tu t'élèves trop haut, » répondit la femme du roi. « Maintenant, je voudrais voir si on rendra à ta personne autant d'honneur qu'à la mienne. » La colère s'était emparée de l'âme de ces deux femmes. Ainsi parla alors Dame Kriemhild. « Eh bien, nous verrons. Puisque tu as osé soutenir que mon mari est un homme liege, les fidèles des deux princes devront décider aujourd'hui si, à la porte de l'église, j'ai passé devant la femme du roi. » Il faudra que tu vois en ce jour que je suis de noblesse libre et que mon mari est plus considéré que le tien. Je ne veux plus être outragé à ce sujet. Tu comprendras encore aujourd'hui que ta vassale marche à la cour devant tous les guerriers du pays Burgonde. Je prétends être de plus haute dignité que nulle reine qui jamais ait porté la couronne à la connaissance des hommes. » Une haine terrible s'éleva entre ces deux femmes. Mais Brunhild répondit. « Si tu ne veux pas être ma vassale, tu dois alors te séparer de ma suite, toi et tes femmes, quand nous irons à la cathédrale. Par ma foi, il en sera fait ainsi, » dit Kriemhild. « Allons, mes filles, habillez-vous, » dit l'épouse de Siegfried. « Il faut que ma dignité en sorte aujourd'hui sans déshonneur. Il faut faire voir que vous avez de riches vêtements. Puisse-t-elle désirer démentir ce qu'elle m'a soutenu en ce jour ?» Il était facile de leur faire agréer ce conseil. Elles cherchèrent leurs riches habits. Femmes et jeunes filles étaient magnifiquement vêtues. Elle s'avança avec sa suite, la noble femme du prince. Le beau corps de Kriemhild était aussi splendidement orné. Elle était accompagnée de 43 jeunes filles qu'elle avait amenées au bord du Rhin et qui portaient de brillantes étoffes tissées en Arabie. Ainsi, ces dames allèrent à l'église en grand apparat. Les hommes de Siegfried les attendaient devant le palais. Les gens s'étonnèrent de ce qui se passait. On voyait les reines séparées, ne plus marcher côte à côte comme de coutume. Il en advint depuis lors malheur et souci à plus d'un guerrier. La femme de Gunther se tenait devant la cathédrale. Les yeux de maints chevaliers prenaient plaisir à considérer les gracieuses dames. Mais voici venir Kriemhild, la très belle, avec sa troupe superbe. Tout ce que jamais noble fille de chevalier porta en fait de vêtements, tout cela n'était qu'un souffle comparé à ceux de sa suite. Elle-même avait tant de richesses sur elle que 30 femmes de roi n'auraient pu montrer ce qu'elle étalait sur sa seule personne. Quand il l'aurait voulu, nul n'eût osé dire qu'on n'avait jamais vu porter des costumes aussi riches que ceux que portaient en ce moment ses compagnes si bien mises. Si ce n'eût été pour mortifier Brunhild, Kriemhild n'y eut point attaché d'importance. Elles arrivèrent ensemble devant la vaste église. La dame du logis agit ainsi par grande haine. Elle ordonna rudement à Kriemhild de s'arrêter. « Jamais la femme d'un vassal ne doit marcher devant la femme d'un roi !» Alors la belle Kriemhild parla. Elle était animée de fureur. « Si tu avais pu te taire encore, cela eût mieux valu pour toi. Tu as déshonoré ton beau corps. Comment la concubine d'un homme pourrait-elle jamais devenir la femme d'un roi ?»« Qui donc ici appelles-tu concubine ?» s'écria l'épouse de Gunther. « C'est toi que je nomme ainsi, » dit Kriemhild. « Mon mari bien-aimé, Siegfried, a le premier possédé ton beau corps. Oui, ce n'est pas mon frère qui t'a eu vierge. Où donc étaient tes esprits? C'était par un coupable caprice que tu te laissais aimer par celui qui était ton vassal. C'est donc sans raison, » ajouta Kriemhild, « que tu voulais te plaindre de mes paroles. »« Par ma foi, » répondit Brunhild, « je dirai tout ceci à Gunther. Eh, que m'importe? Ton orgueil t'a trompé. Tu m'as en tes discours soumise à ton service. Sache-le bien, tu peux m'en croire. Ce sera pour moi une blessure éternelle. Je ne serai plus disposée à t'accorder mon affection et ma confiance. » Brunhild se prit à pleurer. Kriemhild passa outre. Elle entra dans la cathédrale avant la femme du roi, avec toute sa suite. La haine en devint plus grande. Plus d'un œil joyeux versa des larmes amères à ce sujet. Quoique l'on servît Dieu et qu'on chantât là en son honneur, le temps parut à Brunhild d'une longueur excessive, car son corps était abattu et son âme était sombre. Un guerrier bon et valeureux devait en être la victime. Brunhild et ses femmes allèrent se placer devant l'église. Elles pensaient « Kriemhild doit me faire savoir pourquoi elle m'a ainsi outragée, tout haut, cette femme aux paroles hardies. S'il s'en est vanté vraiment, il lui en coûtera la vie. » Voici venir Kriemhild avec maint homme courageux. La fière Brunhild lui dit « Tu vas t'arrêter ici. Tu m'as appelée concubine. Tu dois le démontrer. Tes paroles, tu ne l'ignores pas, m'ont blessée profondément. » Dame Kriemhild répondit « Tu peux me laisser passer, car je prouve mon dire par cet anneau d'or que je porte à mon doigt. Siegfried me l'apporta après la nuit qu'il passa avec toi. » Jamais Brunhild n'avait eu une journée aussi funeste. Elle reprit. « Ce noble anneau d'or m'a été volé. Il y a longtemps qu'on me l'a dérobé méchamment. J'apprends à la fin qui me l'a enlevé. » Ces femmes étaient toutes deux animées d'une terrible colère. Kriemhild parla à son tour. « Je ne veux point passer pour voleuse. Si ton honneur t'est cher, tu aurais mieux fait de garder le silence. Je prouve par cette ceinture qui entoure ma taille que je ne mens point. Oui, Siegfried a été ton amant. » Elle portait le cordon de soie de Ninive, orné de nobles pierreries. Il était vraiment magnifique. Quand Brunhild le vit, elle commença de pleurer. Il fallait que Gunther la prît et tous ses hommes aussi. La reine parla ainsi. « Appelez le souverain du Rhin. Je veux lui faire entendre comment sa sœur m'a outragée. Elle a dit ici en public que j'ai été la femme de Siegfried. » Le roi vint avec ses guerriers. Il vit là sa bien-aimée, pleurant. Il lui parla avec douceur. « Dis-moi, femme chérie, qui donc t'a offensée ?» Elle répondit au roi. « Ah, j'ai lieu d'être bien affligée. Ta sœur veut me déshonorer sans merci. Je t'en fais ma plainte. Elle prétend que Siegfried, son mari, m'a eu pour concubine. » Le roi Gunther répondit, « Elle a eu tort. Elle porte ici ma ceinture que j'avais perdue et mon anneau d'or vermeil. Je regrette amèrement d'être née. Si tu ne m'affranchis pas de cette grande honte, je ne t'aimerai plus jamais. » Le roi Gunther parla. « Qu'on appelle Siegfried, qu'il nous fasse savoir si réellement il s'en est vanté, ou bien que le héros du Nederland démente le fait. » L'intrépide Siegfried fut appelé en hâte. Quand le seigneur les vit si émus, il en ignorait la cause, il s'écria aussitôt. « Pourquoi ces femmes pleurent-elles? Je désirerais le savoir. Et pour quel motif m'a-t-on appelé ici ?» Le roi Gunther prit la parole. « Je suis vivement affligé. Ma femme Brunhild vient de m'apprendre la nouvelle que tu t'es vanté d'avoir été son premier amant. Ainsi, du moins, le soutient Kriemhild, ta femme. Guerrier, as-tu fait cela ?»« Non, je ne l'ai point fait, » répondit Siegfried, « et si elle l'a dit, je l'en ferai repentir. Je veux te prouver par mon serment suprême, devant tous les hommes, que jamais je n'ai rien avancé de pareil. » Le roi du Rhin reprit. « Fais-le nous connaître de cette façon. Si tu prêtes ici le serment que tu m'offres, je te décharge du soupçon de toute fausseté. » On vit alors les Burgondes se former en cercle. Siegfried, le très hardi, leva la main pour le serment. L'opulent roi reprit la parole. « Ta parfaite innocence m'est complètement démontrée. Je suis convaincu que tu n'as point dit ce qu'a prétendu ma sœur. Elle payera cher d'avoir ainsi contristé ta femme si belle, » répondit Siegfried. « Certes, cela m'afflige au-delà de toute mesure. » Les deux guerriers braves et magnanimes se regardaient l'un l'autre. « On devrait bien apprendre aux femmes à laisser là toutes ces paroles insolentes, » ajouta Siegfried la bonne épée. « Interdis-les à ta femme, j'en ferai autant à la mienne. Une pareille outrecuidance me remplit vraiment de confusion. » On sépara, et non sans cause, maintes belles dames. Brunhild était si profondément affligée que les fidèles de Gunther en eurent pitié. Voici venir vers sa suzeraine Hagen de Troneil. Il lui demanda comment elle était, car il la trouva pleurant. Elle lui raconta tout. Aussitôt, il promit que l'époux de Kriemhild emporterait la peine, ou que lui, Hagen, ne se livrerait plus jamais à la joie. Pendant ce discours arrivèrent Ortwin et Gernot, et ses héros conseillèrent la mort de Siegfried. Survint aussi Giselher, le fils de la belle Wotte. Quand il entendit leurs propos, il leur parla avec loyauté. « Ô vous, excellent guerrier, pourquoi feriez-vous cela? Certes, Siegfried ne mérite point une telle haine, qu'il faille ainsi lui enlever la vie. Un rien excite la colère des femmes. »« Est-ce que nous élèverons des bâtards ?» répliqua Hagen. « D'aussi braves guerriers en tireront peu d'honneur. Puisqu'il s'est vanté aux dépens de sa suzeraine, il le paiera de sa vie ou je veux mourir. » Le roi lui-même parla. « Il ne nous a rien fait, si ce n'est pour notre bien et notre gloire. Il faut lui laisser la vie. Que vous en semblerait-il si je haïssais ce guerrier? Il nous fut toujours fidèle et tout dévoué. » Ortwin, la bonne épée de Metz, parla. « À coup sûr, sa grande force ne lui servira de rien. Si vous me le permettez, mon maître, je lui ferai tout le mal possible. » Depuis lors, les héros lui devinrent ennemis et sans bonne raison. Mais personne n'y songea plus, si ce n'est Hagen qui répétait à chaque instant à Gunther que si Siegfried cessait de vivre, maint territoire du roi lui serait soumis. Le prince en devint sombre. Ils en restèrent là. Les joutes recommencèrent. Ah, quelle forte lance on brisa devant la cathédrale jusqu'au palais en présence de la femme de Siegfried. Mais les hommes de Gunther étaient pleins de mécontentement. Le roi dit, « Renoncez à cette fureur sanguinaire. Il est né pour notre gloire et pour notre prospérité. Mais aussi, elle est terrible, la colère de cet homme merveilleusement brave. S'il apprenait vos desseins, nul ne pourrait lui résister. »« Non pas, » dit Hagen, « si vous voulez y consentir. Je crois pouvoir tout préparer si secrètement qu'il portera la peine des pleurs de Brunhild. Hagen lui est désormais un ennemi pour toujours. » Le roi Gunther répliqua, « Mais comment cela pourrait-il se faire ?»« Je vais vous le faire savoir, » répondit Hagen. Nous ferons venir vers nous, par le pays, des messagers que nul ne connaîtra et qui viendront nous défier publiquement. Alors vous annoncerez à vos hôtes que vous et vos hommes, vous allez partir pour la guerre. Cela fait, il vous offrira son service et il laissera la vie. J'obtiendrai le moyen de le tuer, de la femme même du hardi guerrier. » Le roi suivit méchamment l'avis de Hagen, son vassal. Ils commencèrent à ourdir cette grande trahison, ces chevaliers illustres, sans que personne s'en doutât. La querelle des deux femmes causa la mort de maint héros.